C'est un avion dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, le MiG-21. Un appareil qui équipe encore l'armée serbe et bien d'autres aviations militaires dans le tiers-monde. Cet excellent chasseur a été en effet l'une des grandes réussites commerciales de l'URSS et il a été produit à des milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, techniquement dépassé, il n'en reste pas moins que son apparition à la fin des années 50 fut un événement. Cet avion moderne, dont les Occidentaux désespéraient de connaître les secrets, s'avérait en effet potentiellement capable de rivaliser avec les fantômes américains ou les Mirages français. Lorsque l'URSS a accepté de vendre des MiG-21 aux pays arabes du Moyen-Orient, au début des années 60, les premiers à s'émouvoir ont été bien sûr les Israéliens. L'État hébreu disposait alors de Mirages, mais le chasseur français pouvait-il rivaliser avec le MiG-21 dont allaient bientôt être pourvus l'Égypte, l'Irak et la Syrie? Question essentielle, vitale même, alors que personne ne doutait qu'un jour ou l'autre, la guerre recommencerait entre Arabes et Juifs. Et effectivement, en 1967, Israël prendra l'initiative d'une offensive éclair, ce sera la guerre des six jours. Mais à ce moment-là, les Israéliens n'ignoraient plus rien du MiG-21 qui équipait alors leurs adversaires. Ils en savaient les performances, mais aussi les faiblesses, grâce à une assez extraordinaire opération d'espionnage. Monsieur X, qui a déjà raconté comment Tel Aviv avait dérobé à la suite de l'embargo décidé par le général de Gaulle les plans du Mirage, m'a révélé cette semaine les détails de cette aventure particulièrement audacieuse. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans ces années 60, le MiG-21 fascinait les Occidentaux. Oui, mais parce qu'ils ne connaissaient pas encore. Oui, bien évidemment. Entendons-nous bien, les services, dans tous les services, s'étaient mis en chasse pour essayer de découvrir les caractéristiques de ce nouvel appareil soviétique. Un avion qui semblait rapide et surtout très maniable. Et le plus acharné, naturellement, c'étaient les Américains. Mais à cause du Vietnam, j'ai dit. Oui, ouais. Les Nord-Vietnamiens étaient équipés du MiG-21. C'était donc l'appareil que les pilotes américains affrontaient dans le ciel du Vietnam. Et les États-Unis avaient fait savoir qu'ils donneraient des millions de dollars aux pilotes qui leur permettraient de se saisir d'un MiG-21. Vous voulez parler d'un pilote appartenant à une aviation de l'Est? Oui, ou d'un pays allié de l'URSS, un pilote qui aurait fait défection avec son appareil. Jusque-là, malheureusement, cette offre quasi publique n'avait pas été couronnée de succès. Toutefois, sérieusement, les Américains pouvaient-ils renoncer? Je pense pas, non. Eh bien, vous avez raison. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Dans cette extravagante affaire, les versions vont se succéder afin de mieux dissimuler la vérité. Mais est-ce que les Français s'intéressaient aussi au MiG-21? Bien sûr. Mais dans une moindre mesure, nous n'étions engagés dans aucun conflit. Et le rayon d'action du MiG-21 ne lui permettait pas de menacer notre territoire. Il n'empêche que la mise en service de toute nouvelle arme ne pouvait nous laisser indifférents et que les progrès technologiques des Russes étaient susceptibles d'intéresser notre propre industrie aéronautique. Alors vous avez essayé aussi? Oui, mais j'avoue qu'à l'époque, notre principal souci était plutôt de protéger nos propres secrets. Les secrets du Mirage. En particulier. Et à chaque fois que l'un de ces appareils était vendu à l'exportation, nous étions très vigilants. Mais pas assez, puisque les Israéliens, c'est vous-même qui me l'avez raconté il y a peu de temps, ont réussi à s'emparer des plans du Mirage. Oui, l'affaire Throckneck, oui. Mais je vous l'ai dit, les gens chez nous ont fermé les yeux, ou même aidé cet ingénieur suisse et les services secrets israéliens. Ouais, par sympathie pour l'État hébreu, c'est ce que vous avez dit. Une trahison qui, selon eux, ne portait pas à conséquence, puisqu'Israël appartenait au camp occidental. En tout cas, cette trahison a permis aux Israéliens de construire leurs propres avions de chasse, et donc de s'affranchir en partie de la dépendance que leur imposaient les avionneurs étrangers. Revenons au MiG-21. Hein. Lorsque les voisins arabes sont dotés par l'URSS de ce nouveau chasseur... Attends, en quelle année? Je crois que les premiers MiG-21 sont livrés à l'Égypte vers 1963. Puis ce sera au tour des Syriens et des Irakiens d'être équipés. Donc tout naturellement, les dirigeants israéliens s'inquiètent. Il faut bien savoir que la fin de la guerre d'indépendance n'a rien réglé. Les États arabes brûlent de prendre leur revanche et d'anéantir Israël. Quant à ce dernier, il est prêt à tout moment à desserrer l'étau. Oui, donc à attaquer le premier. Exactement. C'est vous dire que l'équilibre des forces est une préoccupation permanente pour tous les pays de la région. Et les incidents ne cessent de se multiplier. Mais ce sont des incidents entre Israël et les pays arabes. Oui, par exemple, très peu de temps avant l'affaire qui nous occupe, une escarmouche oppose les forces syriennes et israéliennes au nord du lac de Tibériade. Un garde-côte de l'État hébreu est touché, s'échoue, tandis qu'un MiG-21 syrien est abattu et plonge dans le lac. Bah, il suffit de repêcher le MiG-21, puis les experts israéliens vont examiner l'épave à loisir. Oui, oui, mais les Syriens veillent. Ils creusent des tranchées, se mettent à l'affût. Si les militaires israéliens tentent de remonter l'épave à la surface, ils tomberont aussitôt sous le feu des batteries ennemies. Alors, les Israéliens renoncent? Bien sûr. Mais plus généralement, là, Est-ce que l'arrivée de ces fameux MiG-21 dans la région change fondamentalement les choses? Non. Les Israéliens, à force d'insistance, ont réussi à obtenir du gouvernement français la livraison de Mirage 3C, des appareils très performants, au-dessus du lot. En outre, ils disposent de pilotes très pointus, beaucoup plus expérimentés que leurs homologues arabes, provisoirement en tout cas. Donc en principe, ils ne risquent rien. En principe. Mais tout en n'étant pas un spécialiste de l'aéronautique, je sais que la connaissance de l'adversaire est indispensable. En cas de confrontation directe. Oui. Or, une grande partie de la force de l'armée israélienne repose justement sur sa suprématie dans le ciel du Proche-Orient. Par conséquent, les dirigeants de Tel Aviv veulent savoir le plus vite possible à quoi s'en tenir. Ouais. Alors, comment faire pour voler un MiG-21? Je vous l'ai dit, s'assurer la collaboration d'un pilote. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez parfaitement raison. Les gens du Mossad vont mettre 3 ans avant d'aboutir. C'est vous dire la difficulté de la tâche qui est confiée au service secret. Mmh. 3 ans, dites-vous. La décision de s'approprier un MiG-21 est donc prise en quelle année? 1963. Dès le moment où les premiers MiG-21 arrivent en Égypte, le vieux Ben-Gourion prend lui-même la décision et téléphone au patron des services. Il me faut un MiG-21. Ah, tout simplement. Eh oui, et le vieux Lyon, je ne sais pas si vous l'avez connu. Je l'ai rencontré une fois. Hein. Eh bien, Ben-Gourion était comme ça. Et il ne faisait pas bon lui dire non. Donc le patron des services secrets se met au travail. C'est un homme dont je vous ai déjà parlé à propos de l'affaire Baer. Vous vous souvenez, celui qu'on a appelé l'espion de Ben-Gourion? Cet espion soviétique introduit dans le plus proche entourage du Premier ministre israélien. Et démasqué justement par le patron du Mossad, Yisser Harel. Yisser le Petit, comme on l'appelait, un sacré bonhomme. Ouais, mais comment ce Yisser le Petit, la fait-il procéder? La première chose, c'est de repérer parmi les pilotes des aviations militaires des pays arabes des hommes susceptibles de trahir. Ça j'entends bien, mais pour quelle raison? L'essentiel, c'est de bien éplucher la biographie de ces hommes et d'y déceler des failles. Il faut d'abord avoir connaissance de ces biographies. Le Mossad a toujours disposé d'espions très bien introduits dans les pays arabes. Vous savez qu'il n'a pas toujours été très tendre avec les espions israéliens, mais là, il faut reconnaître qu'ils étaient très forts. Alors, d'accord. Une faille, hein, c'est ça, c'est bien ce que vous avez dit. Mais quel genre de faille? Une faute, un manquement à l'obéissance, un quelconque dérèglement. Un argument pour faire chanter éventuellement ce... Non, plutôt un indice qui révèle la fragilité du personnage. Donnez-moi des exemples concrets. Bien sûr. Prenons le cas du premier pilote auquel ont pensé les Israéliens, un certain Raghloub, Mohamed Raghloub. Quelle nationalité? Irakienne. Ce type, après avoir été pilote dans l'aviation irakienne, est parti en Égypte et s'est fait embaucher dans la compagnie nationale. Dans l'aviation civile, donc. Tout à fait. Et pour quelle raison? Pour l'argent, j'imagine. Ouais. C'est cela la faille? Pas tout à fait, non. Les gens du Mossad ont découvert que ce Raghloub a commis une grave erreur. Un jour, il s'est présenté au travail singulièrement éméché. Tiens, vous voulez dire au moment de prendre des commandes de son avion? Oui. Il a été viré. Bien sûr. Et il est retourné dans son pays où il a demandé sa réintégration dans l'aviation irakienne. Et on l'a accepté malgré cette faute grave, quand même, gravissime. Et les pilotes irakiens n'étaient pas si nombreux que ça. Les généraux de l'aviation militaire ne pouvaient donc pas faire les difficiles. Mais ce qui est important dans notre affaire, c'est que les gars du Mossad ont repéré un type faible, aimant l'argent et la bonne vie. Malheureusement pour ce pauvre Raghloub. Un mot sur le personnage principal de cette histoire, le MiG-21. J'ai interrogé un site internet consacré à l'aviation militaire. C'est au début des années 50 que les soviétiques étudient un chasseur simple et léger, capable d'atteindre Mach 2. Ils hésitent longtemps entre une aile en flèche et une aile delta, et finalement choisissent cette dernière solution, le premier MiG-21 vol en 1958. Plusieurs versions vont se succéder sur les différentes chaînes de production. Le MiG-21 a été produit à plus de 10 000 exemplaires pendant 28 ans en URSS, entre 1956 et 1974, et en 30 versions différentes. Il sert, ou a servi, dans 49 pays, et il a été produit sous licence en Inde et en Tchécoslovaquie. Un dérivé est toujours construit sans licence en Chine. Le MiG-21 a par ailleurs battu 17 records du monde. D'autre part, d'après un article du journal La Croix daté de septembre 1966, les Américains auraient en effet offert officieusement 2 millions de dollars aux pilotes qui leur livreraient un MiG-21 en état de vol. Donc les Israéliens vont contacter ce Raghloub. Oui, comme vous pouvez l'imaginer, entrer en relation avec un pilote militaire d'un pays ennemi n'est pas chose facile. En tous les cas, je ne sais pas comment le contact a eu lieu, et Raghloub avait certainement quelques amitiés au placé de l'état-major, puisqu'il obtient une longue permission et l'autorisation d'aller en Europe. Là où il sera évidemment plus facile de discuter. Naturellement. Avec lui, mais au cours de ce premier contact, on lui dit qu'il s'agit de s'emparer d'un MiG-21? Bien sûr que non. C'est beaucoup trop tôt. Non, c'est à Francfort que ça va se passer. Et pourquoi Francfort? Parce que Ragloub, lorsqu'il travaillait pour les Égyptiens, il y avait ses habitudes. Oui, comme il aimait la bonne vie. Voilà, vous avez trouvé. Et la bonne vie, comme vous ne l'ignorez pas, ça coûte cher et ça dépasse souvent les moyens financiers d'un pilote irakien. Ouais. Les gens du Mossad lui proposent donc tout de suite de l'argent, si je comprends bien. Mais comment réagit ce Ragloub lorsqu'on finit par lui dire quel est le véritable objectif? Ben, j'étais certainement pas sous la table, mais je connaissais bien ce genre d'approche, et les agents du Mossad ont dû procéder avec infiniment de précautions, et sans doute en utilisant une fréquentation féminine de ce Ragloub. Oui, c'est classique, ça. Hein. Bien entendu, et sans lui révéler tout de suite de quoi il s'agit exactement. Sans lui dire qu'il s'agissait du MiG-21. Oui, ça me paraît évident. Donc on lui laisse entendre qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, mais on ne lui dit rien d'autre. Mmh. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut imaginer? Marché noir, drogue, contrebande, espionnage militaire, pour un type sans scrupules, il y a le choix. En tout cas, dès qu'il est question d'argent, le pilote irakien dresse l'oreille. Les Israéliens ont donc psychologiquement vu juste. Ragloub est intéressé. Il peut être l'homme de la situation. Mmh. Cette approche dure longtemps? Quelques jours. Le Mossad, avant d'abattre ses cartes, veut tout savoir de cet homme. Et pour ne pas commettre d'impair. Et pour ne pas donner l'éveil aux Irakiens et aux aviations des autres pays arabes. Parce qu'il ne fait nul doute que s'ils apprennent que les Israéliens projettent une aventure aussi audacieuse, les MiG-21 vont faire l'objet d'une surveillance accrue. Mmh. Ça devait déjà être le cas, puisque les Américains avaient fait savoir qu'ils voulaient s'approprier un MiG-21. Les Américains, oui, mais pas les Israéliens. Oh, admettons, enfin... Il va falloir quand même dire un jour ou l'autre la vérité à cet homme-là, dans ce pilote. Alors je répète ma précédente question, comment réagit-il lorsqu'enfin on lui dit la vérité? Il est abasourdi. Il n'a pas pensé un seul instant, enfin lui, pilote de MiG-21, hein, c'était justement cet avion encore inconnu à l'ouest qui pouvait intéresser ses interlocuteurs. Oui et non. S'il y a pensé, c'est uniquement en termes d'information. C'est-à-dire de secrets militaires touchant éventuellement la conception, le pilotage des MiG-21? Par exemple. Mmh. Et vous me dites qu'il est abasourdi? Eh bien oui. Vous imaginez ce que ça représente? Fuir son pays aux commandes d'un avion de chasse, c'est quand même pas rien. Mmh. Et puis ça veut dire trahir son pays, s'exiler définitivement, et surtout vivre en permanence dans la hantise d'être retrouvé et abattu. Saddam Hussein n'était pas encore au pouvoir, mais ses prédécesseurs n'étaient pas des tendres, d'autant qu'il y avait eu un précédent tragique. Bah, quel précédent? La prise de contact à Francfort a dû avoir lieu fin 64, début 65. Or, en 1964, justement, un pilote égyptien, aux commandes de son avion d'entraînement, un Yak, je crois, s'était posé en Israël. L'appareil n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les Israéliens, mais psychologiquement, au moins, c'était une belle prise. Et qu'est-il arrivé à cet Égyptien? On lui a donné une grosse somme d'argent et on lui a conseillé d'aller se mettre au vert le plus vite possible. Ce qu'il a fait, il est parti en Amérique du Sud. Mmh, pour refaire sa vie. Oui, et pourtant, il ne lui restait pas longtemps à vivre. Quelques jours après son arrivée à Buenos Aires, il a été abattu. Ouais, par les services secrets égyptiens, j'ai dit. Naturellement, fâcheux précédent, n'est-ce pas? Et qui donnait forcément à réfléchir à Ragloub, qui connaissait parfaitement cette histoire. Mais il est quand même étrange que ce pilote égyptien-là n'ait pas été protégé par les services secrets israéliens. Enfin, d'autres occasions, il me semble qu'ils ont été beaucoup plus efficaces, non? D'accord, mais enfin, le contexte était différent. L'opération n'avait pas été préparée par le Mossad. L'Égyptien était venu de sa propre initiative. Et par conséquent, les Israéliens ont estimé être quittes en lui donnant de l'argent. Exactement. Donc ils l'ont laissé tomber. On peut en effet voir les choses comme ça. En tout cas, ce n'était pas très encourageant pour le pilote irakien, la Ragloub, à qui il demandait de leur livrer un MiG-21. Non, parce que les agents israéliens n'ont pas manqué de faire savoir à Ragloub qu'il en irait tout autrement avec lui. Non seulement on lui offrirait l'asile, mais il bénéficierait d'une protection à vie. Mmh. Alors il accepte? Il demande à réfléchir. Normal. Tout à fait. Et lorsqu'il revoit les représentants du Mossad, il se montre très gourmand. C'est-à-dire? Il demande beaucoup d'argent. Vous avez une idée de la somme? Oui, je crois qu'il demande environ 250 000 dollars. Une grosse somme pour l'époque. Non, mais c'est quand même moins que ce que proposaient les Américains. Hein? C'est vrai, et honnêtement, je crois que les Israéliens auraient pu aller plus loin. Parce qu'ils le voulaient vraiment, ce MiG-21. Mais au cours de leur négociation avec le pilote irakien, ils ont eu une mauvaise impression. Ce type n'était pas très clair. C'est à peu près ça. Mmh. Constatant que son interlocuteur du Mossad rechigne à lui payer une aussi grosse somme d'argent, Ragloub fait du chantage. Il laisse entendre que Bagdad serait peut-être plus généreux s'il allait tout raconter au service de son propre pays. Mmh. Et c'est là que le Mossad a commencé à se méfier. Bien évidemment. Rien n'empêchait Ragloub, même après avoir fait l'affaire, d'alerter les Irakiens dès qu'il serait de retour chez lui. À partir de là, son sort était scellé. Et que voulez-vous dire, là? Pour protéger le secret de l'opération, il fallait l'éliminer au plus vite. L'éliminer, c'est le tuer, hein, quand j'ai essayé. C'était clair, non? Mmh. C'est ce qui s'est passé? Oui. Dans un train, Ragloub a malencontreusement confondu la porte des toilettes avec celle qui ouvrait sur l'extérieur. Un fâcheux accident, ça. Une exécution tout à fait dans le style des services secrets. Mais En supprimant ce raglouble, le Mossad devait tout reprendre à zéro, c'est-à-dire trouver un nouveau pilote susceptible de trahir. Oui, un type qui aurait de bonnes raisons de trahir son pays. J'allais dire des raisons honnêtes de trahir. C'est cela, oui. Alors, ils ont à nouveau compulsé des dossiers des pilotes irakiens. Plusieurs noms sont sortis du chapeau. Mais l'un, surtout, a retenu leur attention. Et pour quelle raison en particulier ? Il s'agissait d'un officier dont la carrière semblait stagner. Et qui pouvait donc nourrir des rancœurs. Oui. Oui. Mais pourquoi la carrière de ce pilote stagnait ? Ben, vraisemblablement parce qu'il était chrétien. Et qu'on lui préférait les musulmans. Oui, à l'évidence. Alors, tout recommence, les contacts discrets, les propositions financières... À peu près, oui. Mais avec cet homme, Mounir Roufa, il y avait une difficulté supplémentaire. Cet officier était marié, et il avait deux enfants. Et il n'était pas question qu'il déserte avec son MiG-21 en laissant sa famille en Irak. Alors, il va falloir aussi organiser la fuite de sa femme et de ses deux enfants. Exactement. Roufa l'exige. Et ce n'est pas évident, parce que les officiers chrétiens et leurs familles sont encore plus surveillés que les autres. Mais là, je dois avouer que les hommes du Mossad ont fait preuve d'une imagination stupéfiante. Au début des années 70, un journaliste israélien très bien informé a publié un ouvrage intitulé « L'œil de Tel Aviv ». Il raconte avec beaucoup de détails comment a été prise en Israël la décision de s'emparer d'un MiG-21. Le président du Conseil israélien de l'époque, M. Ben Gourion, demande au général Ezer Weizmann, le chef de l'armée de l'air, de lui faire un exposé sur le rapport des forces entre Israël et ses voisins. Il s'est toujours intéressé de très près à l'aviation, dont il a vite décelé l'importance pour son pays. Au lendemain de la guerre d'indépendance, il a écrit « Le fait que l'État d'Israël existe aujourd'hui et que ses frontières s'étendent de Dan à Eilat est dû en grande partie à l'armée de l'air israélienne. Nous n'aurions sûrement pas pu repousser l'invasion arabe et libérer notre territoire sans notre supériorité aérienne. » Le contraste est étonnant entre le vieux, qui sort un peu de la Bible, et Weizmann, l'ancien pilote de la Royal Air Force, le playboy et l'enfant terrible de l'armée israélienne, dont les frasques sont nombreuses. Weizmann est l'auteur des deux slogans qui résument assez bien la philosophie israélienne de la défense. La place des meilleurs est dans l'armée de l'air, et la défense de Tel Aviv se joue à la verticale du Caire. Il fait preuve, devant Ben Gourion, de son habituelle franchise. La marge de supériorité de l'aviation israélienne reste assez grande en raison de l'arrivée des Mirages, mais il est assez gênant de ne pas connaître exactement les performances et les points faibles du MiG-21, appareil dont les qualités sont certaines. Les pilotes égyptiens restent apparemment très mauvais, mais il faut tout prévoir, et en particulier le retour au Caire des jeunes officiers entraînés en Crimée et dans le Caucase. Et il est possible que ceux-ci soient d'un meilleur niveau que leurs aînés. Et dans cette hypothèse, il serait fort intéressant de pouvoir un peu autopsier les appareils ennemis. La famille de Roufa, donc, c'est ça. Comment la faire sortir d'Irak sans éveiller les soupçons de Bagdad? C'est bien ça, hein? Tout à fait. Les spécialistes du Mossad se creusent la tête. Et l'un des leurs, qui doit avoir une culture scientifique, imagine un stratagème incroyable. Faire parvenir à Roufa une substance chimique dont l'ingestion provoque des symptômes semblables à ceux de la poliomyélite. J'imagine que cette substance est destinée aux enfants. Évidemment. Devant l'apparente gravité de l'état de ses enfants, le pilote obtiendra sans difficulté aucune l'autorisation d'aller le faire soigner à l'étranger. Ouais. Et ça marche, ça? Ça passe comme une lettre à la poste. La femme de Roufa et ses deux enfants s'envolent pour Londres, où ils doivent aller consulter un éminent spécialiste de la polio. La partie la plus délicate de l'opération peut maintenant commencer. C'est-à-dire le départ de Roufa aux commandes de son MiG-21. Oui, et seulement d'une préparation minutieuse et un secret absolu. Mais paradoxalement, c'est en Israël même que l'opération est la plus délicate à organiser. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à l'heure en 1966, au beau milieu de l'année, et la tension est très vive entre Israël et les pays arabes. Des incidents aériens viennent même de se produire. Vous en avez parlé. Oui, alors si un MiG-21 irakien se présente dans l'espace aérien israélien, il risque d'être immédiatement abattu. Ah, il suffit de prévenir la chasse et la défense antiaérienne. Hein. Je veux bien, mais ça risque d'ébruiter l'affaire. Or, le succès de l'opération dépend du secret qui l'entoure. S'il y a la moindre fuite, c'est fichu. Alors comment les Israéliens résolvent cette difficulté? Eh bien, l'un des rares Israéliens informés de l'affaire prend les choses en main. C'est le patron de l'armée de l'air, Moti Hod. Prendre les choses en main, ça veut dire quoi? Ça signifie être mobilisé en permanence, jour et nuit, et communiquer personnellement par radio avec les pilotes israéliens. Des pilotes qui, tous, connaissent la voix de Moti, qui a été l'un des leurs. Attendez, ça veut dire qu'on... qu'on ne sait pas exactement quand Mounir Roufa va pouvoir se diriger vers Israël. Exactement, l'Irakien ne vole pas tous les jours. Puis il doit disposer d'une quantité de carburant suffisante pour pouvoir arriver jusqu'en Israël. Parce que s'il décolle d'une base située au sud ou à l'est de l'Irak, il sera à la limite du rayon d'action de son MiG. Et vous pensez bien qu'il n'est pas envisageable d'avoir recours à un ravitaillement en vol. Ça me paraît assez évident. Donc Roufa a pu seulement indiquer une fenêtre. Une fenêtre de plusieurs semaines. J'ajoute autre chose, pour atteindre Israël, le MiG-21 devra survoler la Jordanie. Et donc, voler très haut pour échapper éventuellement à la curiosité de la chasse jordanienne. Oui, j'ai compris. Alors, toutes les difficultés qui se posent. Alors, comment ça se passe? Le 16 août, un peu avant 8h du matin, les radars israéliens repèrent un avion au-dessus de la Jordanie. Un appareil non identifié qui se dirige très rapidement vers Israël. Aussitôt, c'est l'alerte. Et deux chasseurs israéliens décollent. Oui, pour intercepter cet appareil inconnu. Et pour l'abattre éventuellement. Ouais. Mais le patron de l'armée de l'air israélienne veille. Oui, très vite, il est informé. Il prend lui-même le micro et ordonne à ses pilotes, surtout ne tirez pas. L'étonnement des aviateurs. Hein. Eh oui, mais ils ont reconnu la voix de leur patron. Leur patron qui ajoute aussitôt affaire d'État. Alors que font-ils, ces pilotes? Mais ils se contentent de repérer l'avion inconnu et de l'escorter. Méfiant, quand même. Mettez-vous à leur place, parce que très vite, ils identifient le MiG-21. Ils volent même si près qu'ils distinguent la silhouette du pilote dans son cockpit. Mais très vite, celui-ci leur fait comprendre, en basculant d'une aile sur l'autre, qu'il n'a nulle intention hostile. Et gentiment, les trois appareils vont atterrir les uns après les autres sur une base aérienne du Negev. Opération réussie, donc. Tout à fait. Mais quel suspense! Vous imaginez si Moti Yod n'était pas intervenu à temps? Tout à fait, oui. Bon, en tout cas, il est parvenu intact en Israël, hein, ce MiG-21. Mais à partir de ce moment-là, que va-t-il se passer? Tel Aviv doit faire face à plusieurs problèmes. D'abord, il faut apaiser Moscou et donc édifier tout un rideau de fumée autour de cette spectaculaire opération. C'est-à-dire effacer toute trace de l'intervention du Mossad. J'ai parfaitement compris. Les Israéliens vont jouer les innocents. Ce pilote a choisi de venir en Israël avec son appareil. Nous n'y sommes pour rien. Oh, c'est un peu gros, quand même. Et c'est pourtant la version officielle. En effet, c'est ce que vont prétendre les Israéliens. Et comme preuve de leur bonne foi, ils publient une lettre que leur aurait adressée Mounir Roufa via une boîte à lettres de Chypre. « Monsieur, j'espère que cette lettre vous parviendra en toute sécurité, car c'est très important pour ma sécurité personnelle. J'espère aussi que vous voudrez bien croire à la sincérité de ces lignes et à tout ce que je vous écris. En dépit de l'inquiétude que je ressens, je compte entreprendre, avec la grâce de Dieu, ce dont je vais vous informer. Je suis pilote de MiG-21 dans l'aviation irakienne et j'ai décidé de venir avec mon appareil dans votre pays. Je suis arrivé à cette décision après de nombreuses réflexions dont je vous entretiendrai de vive voix. J'ai beaucoup d'estime pour votre pays et je suis convaincu que vous ne me renverrez pas à mon point de départ. Je suis déterminé à entreprendre mon action d'ici 2 à 3 semaines. Je vous prie de donner l'ordre à vos pilotes de ne pas ouvrir le feu sur moi, car je viens dans des intentions pacifiques. J'arriverai à haute altitude, entre 7h et 11h du matin, heure du méridien de Greenwich, en venant de la direction de l'Est. Je franchirai le Jourdain au nord de la mer Morte. Avec la grâce de Dieu, j'espère atterrir sur l'une de vos bases. Monsieur, je veux vous redire une fois de plus que mes intentions sont amicales et je vous prie instamment de donner les instructions nécessaires aux hommes de votre aviation pour assurer ma sécurité. Vous pouvez être sûr que je ne vous décevrai pas. Sincèrement à vous, signé un pilote de MiG-21. Autant vous dire que cette version n'abuse pas grand monde, mais les apparences sont sauves. Et Moscou, très embarrassé par cette histoire, peut feindre de se calmer, d'autant que Mounir Roufa, au cours d'une conférence de presse habilement préparée par le Mossad, donne une explication assez plausible de sa défection. Mais laquelle? Il prétend que s'il s'est enfui d'Irak, c'est parce qu'il ne veut plus continuer à bombarder les populations civiles du Kurdistan irakien. Ouais, parce que déjà, le problème kurde se pose. Oui, et malgré des négociations avec les autorités irakiennes, la région demeurait incertaine et la guerre permanente. Donc, je vous le dis, la profession de foi de Rouf était assez convaincante et elle a pu faire illusion. Et autre difficulté? Le deuxième point à régler était celui de la sécurité de Mounir Roufa et de sa famille. Le Mossad s'en acquitte très rapidement et le pilote irakien, sous une fausse identité, devient un citoyen ordinaire d'Israël. Parce qu'il reste là-bas? Bien entendu. Il ne pouvait trouver un asile plus sûr. Et il doit toujours y vivre, lui et sa famille. Vraisemblablement nantis d'une rente à vie. Troisième problème, les alliés de l'État hébreu. Que voulez-vous dire là? Eh bien, ce premier MiG-21 qui se soit jamais posé hors de l'URSS ou d'un pays allié est l'objet de toutes les convoitises. Chacun veut aller y regarder de plus près. Et les attachés militaires occidentaux se pressent comme des mouches autour du hangar où il est stationné. Ouais. J'imagine que ce sont les Américains qui doivent être les premiers demandeurs. Hein. Évidemment. Alors les Israéliens vont devoir mentir une nouvelle fois. Et ils affirment haut et fort qu'aucun étranger n'aura l'autorisation de percer les secrets du MiG-21. Personne donc, même les États-Unis? Oui. Ouais. Est-ce que ça vous paraît sérieux? Pas du tout, non. Israël pouvait difficilement refuser ce coup de main aux Américains dont ils avaient par ailleurs fort besoin. Bien sûr, mais encore une fois, il faut sauver les apparences. C'est d'autant plus hypocrite que l'opération a été en partie pilotée par les États-Unis. Mais vous en êtes sûr? Naturellement. Ils en rêvaient de ce MiG-21 qui leur donnait du souci au Vietnam. Et c'est la CIA qui a téléguidé l'opération. Et je vous assure que les spécialistes américains n'ont rien ignoré du dépeçage de l'appareil auquel se sont livrés les spécialistes israéliens. Si vous avez encore un doute, regardez votre atlas. Où donc un pilote arabe pouvait-il se poser après s'être emparé d'un MiG-21? Je sais pas, en Arabie Saoudite par exemple, non? Non, les Saoudiens appartenaient à la Ligue Arabe et ça leur aurait créé des difficultés. Alors il n'y avait qu'Israël, précieux et fidèle allié. L'opération a été vraiment très astucieusement conduite. Steve Eaton, dans son ouvrage « L'œil de Tel Aviv » paru en 1970, donne la conclusion de cette histoire, je le cite. « La grande parade aérienne dans le ciel de Tel Aviv au lendemain de la guerre des six jours fut follement acclamée par les Israéliens. Mais l'appareil qui obtint le plus grand succès n'était pas l'un de ces avions de fabrication française qui avait cloué au sol en 170 minutes la puissance aérienne des coalisés arabes. Il était un peu plus trapu, d'un aspect un peu plus rustique que les mirages qu'il précédait, seul en tête du défilé. Il ne portait pas sous ses ailes l'étoile de David, mais un matricule qui était à lui seul tout un programme 007. C'était un MiG-21 de fabrication soviétique. Sa présence en Israël depuis plus d'un an était connue, mais les centaines de milliers de personnes qui assistaient à la parade eurent ce jour-là la brusque révélation de l'importance qu'avait pu avoir la possession de cet appareil dans la préparation de la guerre éclair. La place de choix réservée au MiG, son immatriculation, en disait long sur les services qu'il avait pu rendre. C'était aussi une manière discrète de rendre hommage aux agents du Mossad qui avaient monté une opération particulièrement complexe. Mais Steve Eaton, bien entendu, n'évoque nulle part l'éventuelle collaboration américaine dans cette affaire. Tout à fait autre chose. Peut-être vous souvenez-vous d'un étonnant personnage dont m'a parlé M. X, Varian Fry, un courageux américain qui, malgré les autorités de Vichy, a réussi à sauver des centaines d'artistes et d'intellectuels pourchassés par les nazis. Parmi ces rescapés, Marc Chagall, André Breton, Max Ernst ou encore André Masson. Les souvenirs de Fry, jamais publiés en France, viennent enfin de l'être aux éditions Plon. Le titre de cet ouvrage, La Liste Noire. À samedi pour un nouvel entretien avec M. X. Et si vous voulez des informations supplémentaires, je vous donne l'adresse internet des rendez-vous avec X, peno@radiofrance.fr.